bientôt au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Je conçois bien que ce ne soit pas votre obsession quotidienne. Et pourtant, je suis convaincu que nul d'entre vous, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, ne reçoit avec indifférence, quand les médias nous en informent, les dernières nouvelles de la baleine. Nul ne peut être exempt de quelque émotion à apprendre que parmi les ravages que les humains infligent à la zoodiversité, ce très impressionnant cétacé a été mis en péril par la chasse dévergondée qui en a été faite et l'est peut-être encore. Dans le livre de François Garde qui vient de paraître, intitulé « La baleine dans tous ses états », je relève ce propos qui nous touche. Le destin des cétacés nous conduit à une sourde nostalgie. Nous savons vaguement que jusqu'au milieu du XXe siècle, la chasse a menacé la survie des espèces. Le choc entre la sérénité que nous leur prêtons et la violence de cette chasse nous heurte de plein fouet. Il nous renvoie à nos contradictions, nos lâchetés, nos échecs dans notre relation avec la nature. Ce matin, Michel Pastoureau vient donc nous parler de la baleine, replacée dans la longue durée des rêves, des stupéfactions, des concupiscences que les hommes ont éprouvées en face de ce mammifère prodigieux. J'ai toujours bonheur à recevoir Michel Pastoureau à ce micro, tant il s'est éclairé de sa science multiforme les messages que nous apportent les couleurs, les plantes, les animaux et leur prégnance d'âge en âge parmi les émotions collectives avec parfois l'effort d'un sang-froid. Aujourd'hui, en face de nous deux, la baleine. Moby Dick ? On donne des noms à des baleines ? Ouais, les plus grosses baleines, les plus meurtrières ont toute leur histoire. Des baleines qui ont tué des centaines d'hommes parfois. Les baleines comme Timortim, New Zealand Tom ou Morgan, reine des mers du Japon. Les baleines qu'on a nommées d'après leurs exploits guerriers, oui gars. Et la plus énorme des baleines, c'est Moby Dick. Une baleine blanche à Diacab, ça existe? Une baleine peut être blanche? Elle est blanche, plus blanche que toutes les neiges qui soient jamais tombées. Comme une pyramide de marbre blanc et que tu verrais flotter. Et partout où elle nage, partout les oiseaux blancs escortent la baleine. Des oiseaux blancs comme des anges. Dans quel océan nage cette baleine blanche? Dans tous les océans, on l'a aperçue dans différentes mers, distantes de milliers de milles, dans la même journée, à la même heure. Peut-être bien qu'il n'y a pas qu'une baleine, mais toute une famille. Peut-être bien que Moby Dick, c'est 100 baleines. Alors c'est qu'elles ont toutes la mâchoire de travers, avec un front plissé et une bonne douzaine de fers piqués dans les flancs. Ouais. Beaucoup d'entre nous ont voulu chasser Moby Dick et ils l'ont touché au vif. Ils n'ont connu que sa vengeance. Même beaucoup prétendent l'avoir tué. Mais toujours après ça, elle est réapparue. Énorme et blanche, mystérieuse, immortelle à ce qui paraît. Dis donc, toi, tu voudrais nous faire peur? Ce que j'en dis, moi, c'est dit. Baleine par tribord! Baleine par tribord! Baleine par tribord! Par le travers tribord! La voix qui sort, là il replonge. Tribord, à tribord, touche. Arrivez les attaches. Larguez le grand hunier. Flasque, un dollar que je n'ai avant toi. D'accord, Steph, un dollar du contraire. Michel Pastoureau, bonjour. Bonjour. Je vous ai proposé un extrait de Moby Dick, le film qui a été réalisé par John Huston d'après le roman de Melville, paru en 1851. Le film est de 1956 avec Gregory Peck. 1851, Melville, Moby Dick, probablement le roman le plus prestigieux parmi tous ceux que la baleine a inspiré depuis les débuts de la littérature. Même si le roman n'a pas eu un grand succès au moment de sa parution, Melville était déçu alors qu'il avait eu du succès avec quelques-uns de ses romans précédents. Première édition était parue à Londres sous le titre The Whale, la baleine. Et puis c'est la deuxième édition américaine qui a pris le titre de Moby Dick. The Whale. C'est en effet un des très grands romans d'aventure et aujourd'hui considéré comme un des grands classiques de la littérature romantique, entre guillemets, américaine. D'autres écrivains, tout aussi connus, s'y sont essayés, ont moins réussi que Melville. Par exemple, Alexandre Dumas a écrit un livre, Les Baleiniers, qui est certainement pas ce qu'il a écrit de meilleur sur la chasse à la baleine. Et même Jules Verne s'y est essayé. Il a écrit un livre spécialement consacré à la chasse à la baleine de sa vie. Ce n'est pas le plus réussi, probablement. Je crois que ce n'est pas le plus réussi non, de Jules Verne, au point que j'ai oublié le titre. On voit aussi passer la baleine dans 20 milieux sous les mers, à la fin du roman. Alors oui, il y a différents monstres marins dans 20 milieux sous les mers, qui est un très grand livre et qui a été un très grand film aussi. Je crois que c'est le premier film que j'ai vu, moi, petit garçon, au cinéma. Les histoires de mers et de marins m'ont toujours intéressé. D'ailleurs, d'un point de vue général, on peut dire que la baleine pose d'emblée le problème de la mer et des marins, des histoires d'aventures, de dangers, de monstres, de colossales aussi. Il n'y a rien de plus gros sur le plan des êtres vivants qu'une baleine. On voit d'ailleurs cela apparaître très, très fortement dans l'extrait de Moby Dick que je vous ai proposé, du film. Moby Dick, il faut le rappeler, c'est l'histoire de l'obsession d'un marin à Cap qui a perdu une jambe dans une première rencontre, un affrontement avec la baleine des baleines, la baleine blanche, Moby Dick, et qui recherche éperdument sa vengeance. Il la recherche sur toutes les mers du globe. Il a embarqué un équipage qui, lui, croit qu'il s'agit de chasse à la baleine traditionnelle. Mais peu à peu, l'équipage et le lecteur se rendent compte que ce capitaine Ahab est à moitié fou et que ce qui compte pour lui, c'est se venger de ce gros animal marin. Au fond, il y a une métaphore qui se développe tout au long du livre, une espèce de lutte entre le bien et le mal. Et le lecteur ne sait plus si le bien est du côté du capitaine Ahab et le mal du côté de la baleine, ou si c'est le contraire, parce qu'il est terrifiant dans les derniers chapitres, ce capitaine Ahab, et l'histoire finit très très mal. Pour lui et pour ses compagnons, il y a un seul survivant qui devient le narrateur de l'histoire. C'est une métaphore sur le bien et le mal, et sur la folie aussi. Certains ont comparé ce duel avec la corrida. Oui, mise à mort de l'animal, l'obsession du marin, ici du capitaine, pour mettre à mort ce monstre qu'il avait amputé d'une jambe. Et c'est un monstre qui non seulement est énorme, mais il est blanc. Et les animaux blancs dans l'imaginaire ont toujours occupé une place particulière. Il s'agit de quadrupèdes, d'oiseaux, ou comme ici donc de cétacés, plus anciennement des poissons. Ce sont des êtres à part. Alors ils peuvent être pris en très bonne part ou en très mauvaise part. Je salue en vous, Michel Pastoureau, l'historien des couleurs. Bien sûr, je suis attentif aux notations colorées concernant les animaux. Elles ne sont pas neutres, elles sont toujours très fortes sur le plan symbolique. Il y a la dimension, le gigantesque qui échappe quasiment à toute mesure humaine dans cette baleine. Et cela aussi est métaphorique. Oui, tout à fait. La baleine, c'est le colossal, c'est le prodigieux, c'est le monstrueux. Dans toutes les histoires de baleines, qu'elles soient antiques, médiévales ou modernes, c'est une idée qui revient. Il n'y a rien de plus gros. Et on est au-delà, non seulement au-delà de l'humain, mais au-delà du connu. On tombe dans ce que le Moyen-Âge appelle le merveilleux, qui peut être divin ou diabolique, qui ici, le plus souvent, avec la baleine, est du côté du diabolique. Alors vous parlez du Moyen-Âge, je vais vous entraîner plus loin en arrière, vous vous y attendiez j'imagine, c'est-à-dire dans l'Antiquité, puisque on trouve avec intérêt un affrontement intellectuel entre deux grands auteurs, Aristote et d'une part et d'autre part Pline l'Ancien, en particulier sur la définition de la baleine. Ça nous importe parce qu'il n'y a pas une seule baleine, mais en fait l'expression de baleine englobe des mammifères de nature différente. Je dis mammifères, c'est précisément ce que Pline niait. Les époques anciennes n'ont pas la notion de mammifère. Il faut vraiment attendre le XVIIIe siècle pour que cette notion émerge. Mais les deux auteurs les plus bavards sur la baleine, dans l'Antiquité, Aristote et Pline, ne sont pas d'accord sur ce qu'est une baleine. Et comme toujours, par rapport à nos savoirs d'aujourd'hui, Aristote est le plus proche. Il a compris que la baleine est un animal qui doit refaire surface pour respirer, qui a des poumons, qui donne naissance à des petits qui sont vivants et non pas à des œufs, qu'elle allaite ses petits, donc toute caractéristique de ce que nous appellerons plus tard un mammifère. Donc il n'en fait pas un poisson. Alors que Pline et tous ceux qui vont recopier Pline, et au Moyen-Âge ils sont très nombreux, vont faire de la baleine un gros poisson. Aristote comme Pline distingue différentes catégories de baleines. Et Pline, C'est-à-dire, aujourd'hui encore, on le fait. Ça n'est pas faux par rapport à ce que nous considérons comme la classification de ces cétacés. On fait deux familles. La baleine proprement dite, qui n'a pas de dents, mais ce que nous appelons des fanons, c'est-à-dire des espèces de lames cornées très rapprochées, qui fait que la baleine ne peut pas dévorer, mais seulement aspirer. Qui sert d'ailleurs aux baleines des corsets des dames pendant très longtemps, d'où l'expression baleine. La baleine, oui, comme les baleines de soutien-gorge, par exemple. Et puis, les gros animaux marins qui ont des dents et que nous nous rattachons à la famille aujourd'hui du cachalot. Le latin distingue bien les deux animaux, baleina d'un côté et kétous de l'autre, pour le cachalot, kétos en grec. Ou bien, un mot plus rare et plus précieux, fuseter, c'est-à-dire l'animal qui souffle. Le souffle et l'expiration du cachalot étant perçue comme plus prodigieuse que celle de la baleine. Et Pline précise que le kétous, c'est-à-dire le cachalot, fréquente l'océan des Gaules, notre Atlantique en quelque sorte, qu'on ne le rencontre pas en Méditerranée. Sur la baleine, il est un peu plus imprécis, mais ce que nous raconte Pline est au fond aussi important que ce que dit Aristote, parce que pendant tout le Moyen-Âge, on va recopier Pline, le développer, alors qu'Aristote disait des choses plus précises et construites sur l'observation, alors qu'il est probable que Pline, qui est un auteur qui a certes beaucoup voyagé, mais qui fait des fiches, qui se fait faire des fiches, qui se fait lire des extraits de textes, c'est un homme de cabinet. On vient d'éditer, de rééditer dans la Pléiade, bibliothèque prestigieuse de la Pléiade, l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Oui, c'est un texte important parce que cette histoire naturelle, c'est une autorité, une très grande autorité, au même titre presque que la Bible, pour le savoir occidental, jusqu'au XVIIe siècle à peu près. Donc il faut connaître, et il faut lire et relire Pline. Il a un style qui n'est pas toujours facile, un latin sévèrement abrégé et contraint. Mais il y a de très bonnes traductions modernes, il y a même celle de Littré dans la seconde moitié du 19e siècle. Et on y voit passer donc les baleines, on est là aux origines de la cétologie, c'est-à-dire la science des baleines. Du latin kétous, qui désigne soit l'ensemble des gros animaux marins, soit spécialement le cachalot. Ce terme de cétologie est moderne et la science des cétacés, au fond, commence dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le mot est employé, je crois, pour la première fois dans un titre de livre par Lacépède, le continuateur de Buffon pour l'histoire naturelle, notamment celle des poissons. Lacépède, qui est un homme étonnant, qui est à la fois un homme politique et un savant, un peu un aventurier, président du Sénat sous l'Empire, grand chancelier de la Légion d'honneur. Mais aussi auteur d'une histoire des cétacés parue en 1804, qui constitue le tome 45 de l'histoire naturelle initiée par Buffon. Est-ce que l'on retrouve déjà dans Aristote, dans Pline, la distinction, la question de la frontière entre les cétacés et les dauphins, par exemple, ou les morses, ou les orques? Ils aspirent l'eau ou ils respirent l'air? C'est cela qui surprend, qui étonne, qui On se pose la question, oui. Comment ça se passe? Comment vit-on sous l'eau? Comment respire-t-on? Alors, il y a toutes sortes d'explications. On observe que certains sont obligés de remonter régulièrement à la surface, mais d'autres non. Et ça développe tout un imaginaire, d'autant que ça n'est peut-être pas vrai pour les dauphins et les marsouins, mais voir une baleine vivante ou un cachalot vivant, c'est extrêmement rare. Dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, ce ne sont pas des les animaux que l'on voit en ménagerie, ni même en aquarium, si je puis dire. Donc, on les connaît par les lectures et par l'imagination. D'ailleurs, les images de baleines nous montrent des êtres, pour nous, très étranges, très éloignés du point de vue formel et chromatique des animaux véritables. Dans cette iconographie de la baleine au Moyen-Âge, est évidemment très présente l'histoire de Jonas. Et je voudrais que nous y attardions un instant, parce qu'au fond, Jonas est un prophète qui serait probablement tombé dans l'oubli. C'est un petit prophète, si je puis dire, qui serait tombé dans l'oubli si l'Ancien Testament ne lui donnait pas une place considérable en liaison directe, en lien direct avec une baleine. C'est une affaire que l'on connaît de façon un peu abstraite, souvent, ou un peu simplifiée. Elle est très riche, en fait, de portée et de signification. Oui, c'est un peu un conte merveilleux que ce livre de Jonas, un des plus courts, sinon le plus court de l'Ancien Testament. Jonas est un petit prophète, ce n'est pas Élie, ce n'est pas Ézéchiel, ni Jérémie. Jonas, prophète, a reçu de Dieu l'ordre de se rendre à Ninive, c'est-à-dire l'équivalent de notre Mossoul actuel, pour les avertir les habitants qu'il va les punir parce qu'ils vivent dans le vice, la conduite, le péché, la désobéissance. Je ne crois pas que ce soit les raisons des grands malheurs de Mossoul aujourd'hui. Il peut faire un écho entre l'Ancien Testament et ce qui se passe aujourd'hui dans cette zone particulièrement souffrante. En tout cas, Jonas est inquiet. Il ne veut pas remplir la mission que Dieu lui a confiée parce qu'il a peur de la réaction des Ninivites, les habitants de Ninive. Donc il préfère s'enfuir et il s'embarque à Jaffa sur un bateau avec l'espoir de gagner l'Asie mineure, Tarse. Pendant le voyage, une tempête apparaît. Chaque voyageur prie son propre Dieu, il y a toutes sortes de nations à bord de ce navire, et on observe que Jonas, lui, ne prie personne. En effet, il est fâché avec son Dieu puisqu'il a désobéi. Tout cela intrigue et finalement préoccupe beaucoup les autres marins. Voilà, qui considère qu'au fond c'est lui qui a attiré la tempête sur le navire et il décide de s'en débarrasser. Ils n'ont pas tort en l'occurrence. Ils n'ont pas tort, c'est tout à fait la raison, c'est la colère de Dieu qui s'est déchaînée contre Jonas. Alors il le jette à l'eau et là un monstre marin l'avale et Jonas passe 3 jours dans le ventre de ce gros animal qualifié de baleine par certaines traductions de la Bible. Là dans l'estomac il se repentit, il prie, il dit qu'il va accomplir sa mission. Finalement, Dieu lui pardonne et ordonne au monstre marin de rejeter Jonas sur une plage. On a pas mal d'images au Moyen-Âge où l'on voit Jonas sortir de la gueule de la baleine. Recraché. Il est recraché sur le rivage. Alors, il se rend à Ninive. Il annonce aux habitants que Dieu va les châtier. Les Ninivites, effrayés, se repentent, modifient leur genre de vie, deviennent des hommes pieux et sages. Donc Dieu est indulgent à l'égard de Ninive. Dieu est indulgent, il est miséricordieux, il leur pardonne. Et Jonas ne comprend pas et il est furieux contre Dieu. Il a peur lui-même de passer pour un faux prophète puisqu'il n'y a pas eu la colère de Dieu, la destruction de la ville. Alors Jonas se met à bouder. Il sort de la ville, il s'assied sous un arbre, un ricin, dans les environs. Et Dieu décide de lui donner une leçon. Il fait ronger l'arbre qui avait de grandes feuilles qui protégeaient Jonas, qui, comme tous les prophètes bibliques, était chauve des rayons du soleil. Il fait ronger l'arbre par un ver, l'arbre se dessèche, perd ses feuilles, et Jonas a le crâne brûlé par les rayons du soleil. Et le livre se termine de manière un peu énigmatique. Jonas est furieux, ne comprend pas pourquoi Dieu l'a abandonné, ni le sens de la mission qui lui était confiée. On a beaucoup de gloses médiévales dès l'époque paléochrétienne jusqu'en plein XVIe siècle sur cette histoire qui au fond nous dit qu'il faut obéir à Dieu, que Dieu est tout puissant, qu'il faut lui faire confiance et accomplir les missions qu'il nous donne. On a également comparé, comme on le fait fréquemment entre l'Ancien et le Nouveau Testament, au Moyen-Âge, Jonas et Jésus. Au fond, Jonas reste 3 jours dans le ventre de la baleine, de même que entre sa crucifixion et sa résurrection, Jésus est resté 3 jours dans la mort et est même descendu aux enfers. Il y a aussi une antithèse entre le prophète qui a désobéi et au contraire le fils qui a obéi à son père. Mais en tout cas, c'est un antitype au fond du Christ que Jonas, pour certains exégètes médiévaux. Et on observe d'ailleurs que Jonas, Younous, réapparaît dans le Coran. Il joue un rôle, précisément. Il y a un Jonas dans le Coran avec la même histoire. On a là un thème qui est assez universel. Le navigateur, le marin, qui rencontre des monstres, qui est avalé par un monstre, qui est recraché par un monstre. Ça fait partie d'une série de mythologies que l'on rencontre, sinon partout, en tout cas dans beaucoup de sociétés. La baleine est à la fois une prison, une tombe potentielle et une représentation du péché. Voilà, elle est une prison, elle est une punition, et elle est en même temps un lieu de métamorphose. Jonas se convertit, au fond, dans le ventre de la baleine. On a les mêmes idées dans l'Antiquité grecque, par exemple, dans la mythologie, avec les cavernes. Les cavernes sont des lieux où on passe d'un état dans un autre, on se convertit, on ressort autre que l'on était entré. C'est un peu cette idée-là, et qui est très ancienne et très répandue dans les mythologies du monde entier. Alors, Michel Pastoureau, faisant un va-et-vient entre ces mythologies si riches de signification et de portée, et ce qu'on peut commencer d'apercevoir sur la réalité des choses. Écoutez ce reportage sur les cachalots, puisque nous avons décidé que nous embrassions les cachalots à l'intérieur de notre réflexion de ce matin sur les baleines, la manière dont les cachalots vont en profondeur s'affronter aux calamars. S'exprime Serge Vialel. Un extrait de La route des rêves de Claude Villers, diffusé sur France Inter le 14 mai 1996. Alors, ceux qui cherchent à nous écolocaliser, ceux qui sont très très près, c'est un son irrégulier. Le son typique, classique de la chasse, hein, de la recherche de la proie du cachalot, c'est le clic un peu régulier qu'on entend, un peu le type métronome là, qu'on entend derrière. Alors, si je suis un calmar géant et que j'entends ce bruit-là, j'ai intérêt à... Il vaut mieux te barrer, oui. on sait pas trop comment que la lutte se passe. Ce que l'on sait, c'est que c'est réellement une lutte. Le cachalot peut manger des calamars. Une des espèces de calamars, qui s'appelle Archicotis, peut mesurer jusqu'à 20 mètres. Hein, donc c'est vraiment le calamar géant, enfin c'est le serpent des mers, c'est Jules Verne, et c'est vraiment une lutte entre d'un côté un animal à sang chaud, avec un minimum d'intelligence qui est le cachalot, et de l'autre côté un calamar qui lui fonctionne plus sur des systèmes réflexes, et donc c'est vraiment une lutte, un combat à la vie, à la mort, où le cachalot n'est pas sûr de ressortir vivant. Hein, si par un mauvais hasard le calamar arrive à se saisir du cachalot à 1500 mètres de profondeur, et arrive à le maintenir suffisamment pour que celui-ci ne peut pas respirer, le cachalot meurt, se noie. France Culture, Jean-Noël Jamnet, Concordance des temps. Je ne sais pas, Michel Pastoureau, quelle symbolique vous attribueriez ou les gens du Moyen-Âge auraient attribué à ce combat entre cachalot et calamar. Un combat entre deux monstres. Hein. Le calamar dont il est question ici, c'est le grand calamar qui peut étouffer un cachalot. Qu'on retrouve dans Jules Verne, d'ailleurs, 20 milieux sous les mers. Oui, tout à fait. Le capitaine Nemo affronte un énorme calamar, une pieuvre géante. Au Moyen-Âge, la comparaison se ferait avec des animaux terrestres. Par exemple, le combat entre le dragon et l'éléphant, qui sont à peu près de force égale. Pour le Moyen-Âge, le dragon est un être bien réel. Et ça se termine par la mort de l'un d'eux. On peut y voir toutes sortes de métaphores et de gloses aussi, comme le font les bestiaires du Moyen-Âge à propos des gros animaux. Alors que nous disent ces bestiaires sur la baleine comme bête diabolique et trompeuse et qui en même temps a aussi une apparence positive puisqu'elle incarne la chasteté? Comme souvent les animaux dans les bestiaires et dans les encyclopédies du Moyen-Âge, surtout du Moyen-Âge central, le XIIIe siècle est le grand siècle des encyclopédies, comme souvent les animaux ne sont pas tout d'une pièce, ils sont ambivalents avec des bons et des mauvais aspects, mais évidemment chez la baleine les mauvais aspects sont plus nombreux que les bons. Alors les auteurs de ces bestiaires, c'est-à-dire de livres consacrés aux bêtes, aux animaux, nous expliquent que c'est un poisson, le plus grand de tous les poissons, que c'est un animal redoutable. On ne parle plus, comme le faisait Pline, de ce que nous appelons les fanons, mais de la gueule énorme de la baleine, avec des dents gigantesques, notamment dans les images, on lui donne des canines absolument redoutables. Parfaitement inventées, évidemment. Parfaitement inventées. Et puis, ce gros poisson, c'est un rusé. Il exhale une haleine merveilleuse qui attire tous les petits animaux marins. Elle ouvre grand la gueule, les animaux s'engouffrent et elle ferme d'un coup sec sa gueule et elle les avale. Elle est redoutable également parce qu'elle trompe les marins quand elle est à la surface de l'eau. Elle dort chauffée par les rayons du soleil. Les marins abordent croyant qu'il s'agit d'une île. Ils y préparent leur repas. Ils font ce qu'on appellerait nous aujourd'hui un pique-nique. Un barbecue qui réchauffe la baleine, qui la brûle, et elle se retourne, elle précipite les marins à la mer et elle les dévore. Elle est même allée, pour les tremper, jusqu'à se couvrir elle-même de sable, pour faire croire qu'elle est une île véritable. Oui, selon les textes, soit elle se recouvre elle-même du sable pour faire croire qu'elle est une île, soit elle a des écailles, car on pense que la baleine a des écailles, qui sont de la couleur du sable. Donc, à la lumière du soleil, la confusion est possible et explique que les marins pensent avoir abordé sur une île. Et puis, les auteurs de bestiaires sont assez bavards sur la reproduction des baleines. Ils se posent des questions. Comment un animal aussi gros qui a du mal à se retourner. La copulation des baleines intrigue énormément les auteurs de cette époque. Voilà, ils sont d'ailleurs souvent intrigués par la reproduction et le contact charnel entre les animaux. Et donc il y a des passages entiers pour expliquer plusieurs hypothèses. Soit il y a vraiment commerce charnel entre le mâle et la femelle avec des mouvements qui font déborder les flots et on explique qu'un certain nombre de villes englouties au bord de la mer l'ont été parce que deux baleines avaient cherché à copuler. Ou bien, et là les auteurs sont plutôt plus nombreux à penser qu'il n'y a pas de contact, que le mâle envoie sa semence qui flotte un peu dans l'eau et va rejoindre la femelle là où elle doit entrer, si je puis dire. C'est la deuxième hypothèse. Et la troisième, il y a un intermédiaire, un go-between, nous dirions aujourd'hui. La moule. C'est la moule qui passe, curieusement, pour une amie de la baleine. Et alors, elle prend en charge le sperme masculin et va le conduire dans l'orifice féminin. Il doit se passer la naissance au bout d'un certain temps. Alors, les auteurs ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, on pense que la gestation se situe entre 10, 12, 14 mois. Ça dépend des espèces de baleines. Baleine et de cachalot. Mais comment est-ce que ça se passe au début? Vous ne nous dites pas, ne nous laissez pas dans l'incertitude. Ah, aujourd'hui, on sait qu'il y a contact charnel et que la baleine mâle a une protubérance qu'elle va introduire dans la baleine femelle, si je puis dire, comme font tous les mammifères. Au Moyen-Âge, on pense que les baleines sont pudiques et que d'une part, elles s'accouplent dans des lieux où elles ne peuvent pas être vues. C'est la pudeur de la baleine qui est plutôt le bon aspect de l'animal. Et que la femelle, comme la femelle éléphante, d'ailleurs, se cache pour accoucher et pour ne pas être vu, comme si cet acte de naissance était impudique. Mais se cacher où ? Se cacher dans des zones où l'homme n'est pas présent, ni aucun autre animal, ou bien au plus profond de la mer. Ce qui est faux par rapport à l'histoire naturelle telle que nous la connaissons, les baleines se reproduisent, nous le savons aujourd'hui, comme tous les mammifères, et les femelles vont mettre bas dans des mers chaudes, donc elles émigrent pour l'accouchement vers des zones du globe qu'elles ne fréquentent pas toujours en autre période. Souvent, c'était, jusqu'à une date avancée, jusqu'au XVIe ou XVIIe siècle, le golfe de Gascogne pour les baleines de l'Atlantique Nord, qui explique que cette zone soit riche en baleines à certaines périodes de l'année. Les eaux y sont plus chaudes, évidemment, que près du Groenland ou de l'Islande. Ce sont ces mœurs chastes et cette pudeur que l'on attribue aux baleines qui font que soit recommandée l'absorption de la chair de baleine pour lutter contre les tentations de la luxure. Et dans un de vos écrits, Michel Pastoureau, vous nous rappelez que ça a été fait dans un certain nombre d'abbayes qui ont été situées près des côtes de la mer du Nord. Quand il y a des baleines échouées ou des baleines capturées, on tire un très grand nombre de produits de l'animal, et notamment de la viande qui passe pour avoir un certain nombre de vertus, des vertus qui sont proches de celles des poissons et non pas celles des bovins, des ovins, des caprins. train, etc. Donc, les moines, même en période de carême, peuvent consommer de la viande de baleine qui passe pour développer tout ce qui a trait à la pureté et à la chasteté. Et alors, dans les couvents, dans les zones qui s'y prêtent, c'est-à-dire pour le Royaume de France, les côtes de la mer du Nord, on sert souvent dans les abbayes de la viande de baleine, soit fraîche, ce qui est rare, soit plus fréquemment salée ou séchée. Un peu l'équivalent du bromure qu'on nous disait qu'on faisait consommer discrètement aux conscrits dans les casernes du début du XXe siècle. Voilà, il s'agit, comme toujours, d'apaiser la fougue et les tentations sexuelles. Mais ce qui est intéressant, c'est que la baleine étant assimilée à un poisson, sa chair peut être consommée en période où la viande est interdite. Bref, dans toutes les périodes, la baleine a fait beaucoup rêver et vous me feriez reproche, j'en suis sûr, Michel Pastoureau, si au cœur de cette émission que nous lui consacrons, je ne vous faisais pas entendre la célébrissime pêche à la baleine de Jacques Prévert, que je vais vous faire entendre dans une version qui n'est pas celle de Cora Vauquer ni celle des frères Jacques, la version initiale, la lecture de ce poème par Agnès Capri. Avec en arrière-fond une musique de Joseph Cosma. C'est une interprétation qui remonte à 1951, la pêche à la baleine. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils, Prosper, sous l'armoire, allongé. À la pêche à la baleine, tu ne veux pas aller ? Et pourquoi donc ? Que j'irai pêcher une baleine qui m'a rien fait, peu pas. Va la pépé, va la pêcher toi-même, puisque ça te plaît. Moi, j'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Alors, dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer, démonté. Et voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon. La mer était mauvaise, mais la soupe était bonne. Et voilà sur sa chaise, Prosper qui se désole. À la pêche, à la baleine, je ne suis pas allée. Et pourquoi donc je n'ai pas été ? Peut-être qu'on l'aurait attrapé alors, j'aurais pu en manger. Mais voilà la porte qui s'ouvre, et ruisselant d'eau, le père apparaît hors d'haleine, tenant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table. Une belle baleine aux yeux bleus, une bête comme on en voit peu, et dit d'une voix lamentable, « Dépêchez-vous de la dépecer, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger. » Mais voilà Prosper qui se lève et regardant son père dans le blanc des yeux, dans le blanc des yeux bleus de son père, bleus comme ceux de la baleine aux yeux bleus. Et pourquoi donc ? Que je dépecerai une pauvre bête qui m'a rien fait. Tant pis, j'abandonne ma part. Puis il jette le couteau par terre. Mais la baleine s'en empare et se précipitant sur le père, elle le transperce de père en part. Ah ah, dit le cousin Gaston, ça me rappelle la chasse aux papillons. Et voilà, voilà Prosper qui prépare les faire part. La mère qui prend le deuil de son pauvre marin. Et la baleine, la larme à l'œil, contemplant le foyer détruit. Soudain, elle s'écrie. Et pourquoi donc que j'ai tué ce pauvre imbécile ? Maintenant, les autres vont me pourchasser en motogodille et puis ils vont exterminer toute ma petite famille. Alors, éclatant d'un rire inquiétant, hihihihi ! Elle se dirige vers la porte et dit à la veuve en passant. Madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez. La baleine est sortie. Asseyez-vous. Attendez-la. Elle ne va pas tarder. Dans une quinzaine d'années, sans doute, elle reviendra. Elle reviendra. Je me demande, Michel Pastoureau, si dans ce poème de Prévert, par-delà le farfelu absolu qu'il nous propose, on ne peut pas néanmoins distinguer une certaine thématique qui peut nous être familière quant à la baleine. Oui, poème est à la fois savoureux et délirant, ubuesque. Il fait écho à des récits et à des dessins aussi, ou des images de baleines totalement composites que le Moyen-Âge ou encore le début de l'époque moderne ont produites et qui invitent évidemment au rêve et à l'imagination. Il y a quelque chose de surréaliste dans le poème de Prévert et ça me fait penser que les surréalistes ont été souvent attirés par la mer et par les poissons. Moi-même, petit garçon, comme Breton était un ami de mon père, j'ai dessiné avec André Breton des poissons, des dessins tampons que nous faisions sur des pommes de terre. Voilà, avec qui est de très, très chic, voilà, qui est très très chic, Michel Pastoureau. Voilà, c'est très chic. J'en ai gardé quelques-uns d'ailleurs, de ces dessins tampons en forme de poissons et d'animaux marins sculptés dans une pomme de terre. C'est un des rares cas où je regrette que nous ne soyons pas à la télévision. Je voudrais que nous en venions maintenant à la chasse à la baleine, ce à quoi le poème de Prévert nous conduit très directement par une subtile transition. Et si on remonte à la préhistoire, déjà, on en a des traces, une chasse à la baleine avec des procédés qui sont aujourd'hui désuets, mais qui étaient assez efficaces. Pour la baleine, on ne dit pas pêche, on dit chasse, parce qu'on chasse vraiment l'animal. Connaissons mal les pratiques de la préhistoire et même les plus anciennes dans l'Antiquité, mais nous sentons que dans certaines zones du globe, au Japon, en Indonésie, on a poussé, en les chassant, les baleines vers les rivages pour les faire échouer. Plus récemment, aux environs de l'an 1000, on sait qu'en Norvège, des navires norvégiens poussaient les baleines vers les fjords et les forçaient à remonter les fleuves. Et là, il n'y avait plus assez d'eau, on passait de l'eau de mer à l'eau douce et on en profitait pour l'achever lorsqu'elle était plus ou moins coincée dans un estuaire. Mais la vraie chasse à la baleine, au sens où nous l'entendons, semble commencer au cœur du Moyen-Âge, et non pas tant en Norvège que dans une zone un peu inattendue, le golfe de Gascogne, et ce sont les Basques qui de bonne heure se sont spécialisés dans cette chasse. En effet, dans cette zone maritime, les eaux sont assez chaudes, en tout cas plus chaudes que dans l'Atlantique Nord, et les baleines viennent mettre bas à certaines époques de l'année. Et les Basques les guettent du haut de tours ou de falaises. Elles soufflent, c'est le cri de... Voilà, c'est à ça qu'on les reconnaît de loin. C'est leur souffle qui provoque un jet d'eau par les évents qui sont situés sur le dessus du crâne. Ça permet de les repérer. Et à partir au moins du XIIe siècle, peut-être plus anciennement, dans cette zone du golfe de Gascogne, un certain nombre de villes et de villages se spécialisent dans la chasse à la baleine. On parle d'ailleurs de baleine basque. On parle de baleine basque pour une espèce de baleine bien particulière, la baleine franche boréale, dans nos classifications modernes. Et c'est une activité qui n'a pas besoin de conduire les marins très loin. Ça se passe à l'intérieur de ce golfe. Certaines villes se spécialisent dans la pêche à la baleine. Elle est fructueuse parce que de la baleine, on tire un très grand nombre de produits. Presque tout est utilisable. On dit dans le cochon, tout est bon. Nous avions évoqué cela, Michel Passereau, dans une émission antérieure. Dans la baleine aussi, tout est bon. Dans la baleine, tout est bon. La chair, la graisse, l'huile, la peau, les fanons, les os, pour les cachalots, l'huile contenue dans la tête, qu'on appelle aujourd'hui le spermaceti, est un produit merveilleux. Au Moyen-Âge, on lui attribue des propriétés thérapeutiques extraordinaires. Et puis même, pour ce qui concerne l'intestin des cachalots, des reliquats de matières qui n'ont pas été complètement évacuées forment ce qu'on appelle l'ambre gris, un produit lui aussi merveilleux, avec des vertus médicinales, mais aussi des vertus qui sont de l'ordre des parfums. Une fois séché, l'ambre gris dégage une odeur très agréable ou permet de fixer les parfums. On en fait, à l'époque moderne, des bougies, des savons. Tout ça, on le connaît au Moyen-Âge, et donc on tire des baleines une très grande richesse, d'où la spécialisation de certaines villes dans la chasse à la baleine. Des villes qui, d'ailleurs, pour leurs armoiries ou leurs seaux, prennent l'image d'une baleine ou une scène de chasse à la baleine, montrant bien que c'est la principale principales de leurs activités. C'est le cas de Biarritz, c'est le cas de Fontarabie, ça a été le cas de Saint-Jean-de-Luz à une certaine époque, donc des villes situées dans la même zone géographique. Mais non, probablement, on a trop chassé la baleine, et à partir du 15e ou du 16e siècle, dans ces eaux-là, les animaux se raréfient, il faut aller les chasser ailleurs. C'était le 13e siècle, on a vu émerger vraiment cela. Ce dominicain qu'est Vincent de Beauvais en donne une description précise. Oui, on a plusieurs textes. Un texte du grand encyclopédiste Vincent de Beauvais, un proche de Saint-Louis, un dominicain auteur d'un énorme Speculum Naturale, où il parle abondamment des animaux. Son texte sur la baleine, qui est très copieux, mélange à la fois tout le merveilleux des bestiaires précédents et des informations précises sur cette chasse à la baleine. Où la musique est très présente, des tambours, des cymbales, parce que la musique est supposée très agréable aux oreilles de ces cétacés. Elle les endort quelque peu, ça les rend moins méfiants et les marins peuvent approcher plus facilement du monstre marin. Et puis on a en Scandinavie un texte, le Speculum Regale, à peu près de la même époque, du milieu du XIIIe siècle, encore plus précis que Vincent de Beauvais, où le merveilleux est moins grand. C'est un texte pédagogique qui parle beaucoup de géographie, de nature, de zoologie. Et il est bavard lui aussi sur les baleines. Il a probablement été compilé par un ou plusieurs auteurs norvégiens du XIIIe siècle, et il distingue 19 espèces de baleines et explique comment on les chasse à la fois sur les côtes norvégiennes et dans le golfe de Gascogne. Et un auteur célèbre, un des plus grands penseurs de tous les temps, Albert le Grand, va compiler ce Speculum Regale scandinave pour le chapitre sur la baleine qu'il rédigera vers 1260 dans son traité des animaux, en ajoutant quelques observations personnelles. Albert le Grand affirme avoir vu dépecer des baleines sur les côtes de la Frise et de la Zélande, et précise même qu'en son temps, à Cologne, où il enseigne, sur le marché de Cologne, on vend toutes sortes de produits tirés des baleines. Donc on sent bien que dès le XIIIe siècle et pendant toute la fin du Moyen-Âge, c'est un animal source de richesse pour certaines côtes et pour certaines activités maritimes. Concrètement, comment est-ce qu'on l'attrape avant de la dépecer, cette baleine, du côté du Pays Basque? Vincent de Beauvais nous l'explique. Il nous l'explique. Il faut approcher avec des petits bateaux qui s'appellent des baleinières, montés par 6, 8 ou 10 hommes. Il y a les rameurs, il y a les barreurs, et puis surtout il y a les harponneurs qui, à la main, avec un harpon modeste, ce n'est pas le harpon moderne propulsé par un canon, c'est à la main, on cherche à le planter dans le dos de l'animal. Une corde se déroule. Une fois que c'est fait, il faut s'éloigner quand on est dans la baleinière parce que l'animal devient fou, s'agite dans tous les sens. Donc on se met au plus loin et on attend que la baleine s'épuise, perde son sang. Ça peut prendre plusieurs heures comme plusieurs jours, et quand elle est bien épuisée, pas encore tout à fait morte, on vient l'achever à la main et à la lance, avant de la remorquer vers le rivage. Parce qu'elle flotte, c'est un elle par rapport flotte, à d'autres animaux. Il y a des espèces de baleines qui coulent, notamment certaines familles du rorqual, mais la baleine grise ou la baleine franche flotte, et on la remorque, évidemment, faut la tirer, c'est assez lourd, mais on peut la remorquer jusqu'au rivage. C'est une chasse à la baleine qui se pratique dans une zone géographique qui n'est pas très étendue, mais malheureusement, quand les baleines vont disparaître de ce golfe de Gascogne, il faudra aller les chasser dans des eaux beaucoup plus lointaines et beaucoup plus vastes. C'est le cas naturellement de Moby Dick, à quoi il faut revenir. Au fond, c'est encore le même type de chasse, avec la part d'incertitude que cela implique. Je vous propose un autre écho du grand roman de Melville, roman qui remonte au mi-temps du 19e siècle. Écoutez cet extrait d'une adaptation radiophonique par Arthur Adamoff qui a été diffusée le 26 décembre 1955 sur la radio d'État. Vous reconnaîtrez le grand talent de Michel Bouquet. Au même instant, de l'arrière vint une commotion, une poussée invisible, tandis que l'avant du bateau semblait heurter un écueil, la voile s'affaissa avec bruit, et un jet de vapeur brûlante fut à tout près. Quelque chose comme un tremblement de terre roula et s'écroula au-dessous de nous. L'équipage se sentit à moitié suffoqué. Nous nous trouvions lancés pêle-mêle dans la blanche crème caillée du remous. Rafale, baleine et harpon s'étaient mêlés tous ensemble et la baleine, à peine effleurée par le fer, échappa. Nous appelions en vain les autres canots. La mer rageuse nous empêchait d'écoper. Les rames, inutiles, étaient devenues appareils de sauvetage. Transpercés et frissonnants, désespérant de revoir jamais navire ou embarcation, nous levâmes les yeux quand apparut l'aube. Nous entendîmes alors un faible craquement, comme un bruit de cordage et de vergue qu'aurait jusqu'ici étouffé la tempête. Épouvantés, nous sautâmes tous à la mer. Flottant sur les vagues, nous vîmes un instant la baleinière abandonnée, ballottée et béante. Mais un canot approchait, nous nageâmes dans sa direction. Après avoir été précipités contre lui par les flots, nous fûmes enfin recueillis sains et saufs. Alors voilà cet affrontement qui, comme nous le savons, nous l'avons dit, se termine par la disparition de Aqab dans une sorte de paroxysme final. Oui, de tout l'équipage. Melville lui-même a été mousse, puis marin baleinier, donc il sait de quoi il parle, et Moby Dick regorge de précision sur ce qu'est la chasse à la baleine dans la première moitié du 19e siècle. On sait que son livre a été inspiré par plusieurs naufrages célèbres de navires baleiniers, notamment l'un qui se produit, si je me souviens bien, en 1820. Histoire extraordinaire évoquée là. Oui, c'est un navire qui s'appelait l'Essex, qui a affronté, non pas baleine, mais cachalot. Pendant longtemps, on ne chassait pas les cachalots parce qu'on en avait peur. À cause de leurs dents. À cause de leurs dents, de leur gueule énorme. Chez le cachalot, la tête occupe au moins un tiers du corps entier de l'animal. Et surtout, les cachalots se déplacent en groupe. Ils sont 10, 20, 50, parfois 100. Si je me souviens bien, c'est en chassant le cachalot que ce navire a coulé avec tout son équipage. Le retentissement a été plus grand que pour les accidents précédents, qui étaient tout à fait nombreux, et ça a frappé jusqu'au jeune, tout jeune Melville, qui s'en est souvenu à la fois quand il était lui-même marin baleinier, une certaine prudence vis-à-vis des cachalots, et puis qui l'a conduit à construire autour de cet épisode, mais romancé bien sûr, son livre Moby Dick. Ce qu'il nous dit d'ailleurs du nom propre donné à certains animaux particulièrement grands et remarquables, c'est vrai. Depuis le XVIIIe siècle, les marins baleiniers donnaient aux baleines et aux cachalots remarquables à un titre ou à un autre un nom propre. Donc Moby Dick, c'est un nom propre attribué à ce cachalot blanc absolument énorme, reconnaissable à sa mâchoire qui est un peu oblique, qui n'est pas comme la mâchoire normale d'un cachalot. Alors c'est ainsi que progressivement nous en arrivons, avec probablement une fascination intacte d'ailleurs, nous en arrivons à la pêche moderne à partir du milieu du 19e siècle. Et elle évolue beaucoup, ce qui n'est pas sans grande conséquence quant à l'émergence d'une préoccupation sur les espèces des baleines, qui est évidemment une préoccupation très loin des esprits des anciens ou des gens du Moyen-Âge. La chasse à la baleine, en effet, est liée à la raréfaction des animaux à tel ou tel endroit. Donc il faut aller fréquenter d'autres zones, souvent de plus en plus lointaines. Après les Basques dans le golfe de Gascogne, les Anglais et Néerlandais, à partir du milieu du XVIe siècle jusqu'au milieu du XVIIe, ont chassé la baleine dans l'Atlantique Nord, dans l'océan Arctique, près de l'archipel des Spitzberg. Et puis là aussi, on a trop chassé, donc il a fallu aller plus loin. Les baleines ont émigré vers le Canada et la partie orientale du Groenland, ce qui a fait que c'est plutôt sur les côtes américaines que s'est transférée la chasse à la baleine et les navires sont... Du côté du Maine actuel. Enfin, voilà, c'est la Nouvelle-Angleterre qui devient, à partir de la fin du XVIIe siècle, la zone où il y a le plus de ports baleiniers, notamment le célèbre port de Nantucket, et puis plus tard celui de New Bedford. Et à partir de là, on va chasser la baleine le long du Groenland, dans la terre des Lesmer, dans l'océan Arctique canadien. Puis quand les animaux se font plus rares, on descend vers le cap Horn, on franchit ce cap et on va les chasser dans l'océan Pacifique. D'abord l'océan Pacifique Sud, puis on remonte vers le nord, les baleines se déplaçant beaucoup. Bref, il y a d'abord eu les Basques, puis les Anglais, puis les Néerlandais, puis les Américains. La période la plus intense pour ces ports côtiers baleiniers de Nouvelle-Angleterre, c'est la première moitié du 19e siècle. C'est pour ça que le roman Moby Dick se situe dans cette période. Il y a d'ailleurs une ambiance tout à fait spécifique sur ces bateaux qui vont chasser la baleine, avec un capitaine qui est tout puissant à bord, et une ambiance de domination hiérarchique qui a beaucoup frappé tous les témoins et tous les voyageurs. Oui, d'autant que la vie n'est pas facile à bord. On part pour de longs mois, parfois plusieurs années. L'attente est longue, les querelles de personnes nombreuses. À bord, il y a des marins de profession et puis une partie de l'équipage qui a été engagée pour la circonstance. Des gens qui ne fréquentent pas souvent la mer, qui sont indisciplinés, qui à la première escale disparaissent. Bref, ça n'est pas facile. On a pour tromper l'ennui différentes activités, notamment sculpter des os ou des dents de baleines, de cachalots, voire d'autres animaux marins, ou bien faire des croquis, des dessins, tenir un journal de bord. Les révoltes sont nombreuses et donnent l'occasion de création littéraire. Mais les choses vont changer à partir des années 1860. Lorsque l'on découvre du pétrole, on s'aperçoit que pour s'éclairer, le pétrole est plus efficace et moins cher que l'huile de baleine qu'on utilisait à grande échelle jusque-là. Et la disparition du corset dans les années 1907-1908 sous l'influence du grand couturier Poiret est également un coup terrible à l'importance pour l'esthétique des dames des baleines, même si ces baleines originelles ont commencé à être remplacées par des matières synthétiques. Oui, c'est assez savoureux de penser que la libération de la femme du point de vue vestimentaire a entraîné une moins grande consommation de fanons de baleine. Et a correspondu à une dégradation de la baleine dans la considération des chasseurs. Mais ce qui marque quand même la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, c'est l'apparition de méthodes de chasse nouvelles avec le harpon lancé par un canon qui permet d'atteindre des distances plus grandes, 50 mètres, 80 mètres, 100 mètres, puis la création du harpon explosif. La pointe est munie soit d'une poche d'acide qui se répand dans le corps de la baleine une fois qu'elle a été touchée, soit il est rempli d'une poudre qui explose. Donc la mort de l'animal se fait de manière beaucoup plus rapide et tout aussi cruelle, mais plus efficace, ce qui fait qu'on tue un plus grand nombre de baleines et ça va en s'accélérant. D'où l'inquiétude des écologistes, de Greenpeace et des autres. Écoutez cette interview de Christian Zuber sur la chasse aux baleineaux, petites baleines, enfants baleines, par les Japonais. C'est une archive d'Interactualité le 10 décembre 1973. C'est bien le moment où on commence de se préoccuper de façon beaucoup plus intense de ce souci d'une éventuelle disparition de l'espèce. Comme tous les mammifères et comme devrait le faire le plus grand d'entre eux, c'est-à-dire l'homme, les baleines vivent en famille. Et une famille groupe entre 3 et 8, quelquefois 9 baleines, et en général il y a des petits, pendant presque toute l'année. Et les Japonais ont une méthode assez horrible. En général, ils frappent d'abord les bébés baleineaux avec non pas une balle explosive, mais simplement un harpon qui leur rentre dans le corps et qui est maintenu par un très long filin jusqu'à une ancre flottante qui est en général carrée, qui est en général rouge. Par conséquent, qui peut se voir de très très loin. Alors, un baleineau, c'est comme un veau ou une petite chèvre, ça peut pas aller très vite. Et lorsqu'il a ce harpon dans le corps, évidemment, il reste sur place et toutes les autres baleines se rassemblent autour de lui. Il suffit donc ensuite, après que ce marquage, si vous voulez, a été fait par le premier bateau, que le bateau qui, lui, le bateau usine, s'approche, parce qu'il faut toujours une ou deux journées pour arriver jusqu'au point où a été marqué le premier petit baleineau, pour tuer les adultes. Alors il laisse évidemment le petit avec sa flèche et il tue les adultes les uns après les autres, qui ne se sauvent pas et qui restent là sur le terrain, si je puis dire, en pleine mer. Voilà bien évoqué l'efficacité et la cruauté des nouvelles manières de chasser la baleine. Oui, à partir donc de la fin du 19e siècle. D'ailleurs, il y a de nouvelles nations baleinières, si l'on peut dire, qui utilisent ces nouvelles méthodes, la Russie, le Japon, l'Islande. Et donc, on tuait en gros, vers 1850, 1000 baleines par an à l'échelle du monde entier. Vers 1930, on est passé à 50 000. Donc, on s'inquiète vraiment de la disparition des animaux, au point que l'on crée en 1946 une commission baleinière internationale qui prend des décisions, qui détermine des quotas, des zones de pêche, un calendrier de pêche, qui impose des moratoires qui ne sont pas respectés. Il y a toujours des pays qui font sécession, sont d'ailleurs un peu toujours les mêmes. Le Japon, la Russie, l'Islande, à un moment l'Afrique du Sud, qui sont très attachés à la chasse à la baleine, alors que les Anglais, les Américains, les Néerlandais ne chassent plus ou plus guère. Donc il y a des conflits internationaux sur la politique à suivre. On en est encore là, au fond, même si en 1982, il y a eu un moratoire qui a complet, été respecté. En principe, on ne chasse plus du tout la baleine. Plus du tout, ni la baleine, ni le cachalot. Mais... Ça a duré quelques années. Et puis le Japon et la Russie ont repris leur chasse, la Norvège plus tard, l'Islande également. Dans d'autres zones, on a remplacé la chasse à la baleine par quelque chose de curieux, le tourisme baleinier, alors qui évidemment est moins nocif pour la baleine, qui est une activité un peu curieuse, qui a commencé en Californie, puis qui s'est développée. On emmène des touristes au plus près des cétacés pour les regarder, les photographier simplement. Dans le Saint-Laurent aussi, au Canada. Oui, il y a des zones où les baleines s'approchent des rivages, où c'est beaucoup plus facile. Mais malgré toute la législation internationale, un certain nombre d'espèces sont en grand danger encore de disparition. Ce n'est pas le cas du cachalot, qui est relativement abondant, peut-être 2 millions d'individus à l'heure actuelle. Mais c'est le cas de la baleine grise, de la baleine franche, du petit rorqual et de la baleine bleue. Donc notre émission sera aussi... Michel Pastoureau a un cri d'alarme qui se joindra à beaucoup d'autres. Et peut-être pouvons-nous terminer sur ce qui demeure de mystère, qui n'est pas le moindre charme des baleines. Mystère par exemple sur leur chant, sur leur manière aussi de sauter hors de l'eau. Oui, on s'interroge sur beaucoup de comportements des baleines. Nous ne savons pas tout encore, par exemple, comment communiquent-elles. Dès que nous serons, je vous réinviterai. Voilà, merci beaucoup. Pour l'instant, on s'interroge sur ce qu'on appelle le chant des baleines. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chant des baleines ? Alors, c'est un moyen de communication, mais on n'en sait pas plus. On sait le capter, on sait le décomposer par rapport au son que nous connaissons, mais on a du mal à en dire plus. D'autant que les cris et les chants ne sont pas les mêmes entre baleines et cachalots, entre petits rorquals et baleines bleues, et ainsi de suite. Et puis, il y a le fameux saut des baleines. Comment un animal qui pèse 20 ans, 30 tonnes, 100 tonnes, parfois plus, arrive à faire des sauts de 15 ou 20 mètres, on a l'impression qu'il s'agit également d'un signal de communication, annoncer un danger ou quelque chose de cette nature. En revanche, sur le prétendu suicide des baleines, on a des idées un peu plus cohérentes qu'autrefois. On sait que les baleines ne se suicident pas en se jetant vers le rivage et en se laissant mourir en groupe. Non. Alors l'échouage, comment explique-t-on l'échouage en groupe ? Alors, par une sorte de désorientation due notamment aux activités humaines et à des ondes qui perturbent la communication des baleines. Comme il y a certainement des activités de groupe et des signaux échangés des baleines entre elles, quand ces signaux sont perturbés, il y a des mauvais chemins, des mauvaises orientations, quelque chose de cette nature-là, mais certainement pas des suicides collectifs en tant qu'acte volontaire. Ça, on en est sûr aujourd'hui, mais on n'en sait pas plus. Et un animal aussi énorme a gardé une partie de ses mystères, comme d'ailleurs une bonne partie de tout ce qui vient de la mer. Mais voilà une conclusion, Michel Pastoureau, qui me paraît tout à fait adéquate après une émission où vous nous avez donné tant de choses avérées, terminée sur un point d'interrogation. Je trouve que c'est assez opportun. Merci beaucoup. Je donne à connaître deux, parmi tant d'autres, deux de vos livres consacrés aux animaux, Les animaux célèbres, paru chez Bonneton en 2001, et puis... ce très très beau livre édité au Seuil en 2011 qui s'appelle « Bestiaire du Moyen-Âge ». Vous avez évidemment recueilli pour beaucoup d'autres animaux la symbolique, la héraldique de toutes ces bêtes. Voilà, l'animal est présent dans les activités, dans l'imaginaire de l'être humain depuis très longtemps. Et quand on est historien, on ne peut pas ne pas rencontrer l'animal. Il existe un petit livre dans la collection Découverte qui s'appelle « Vie et mort des baleines » dû à Yves Coa et à Anne Collet. J'ai évoqué en commençant le livre qui vient de paraître de François Garde qui s'appelle « La baleine dans tous ses états » paru chez Gallimard et qui est riche de citations et de réflexions très, très stimulantes. Et puis un tout petit livre de Jean Mallory, spécialiste des Esquimaux, des Inuits, qui s'appelle « L'allée des baleines » et où il évoque les relations entre ce peuple et nos cétacés. Oui, ce que nous appelons les cétacés, et pour les Inuits, c'est une activité très importante, parce qu'on en tire un grand nombre de produits, utiles non pas pour le commerce, mais pour la vie quotidienne. Merci beaucoup. Vous pourrez naturellement trouver une bibliographie complète sur notre site, avec d'autres ouvrages signalés, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés, et vous pourrez écouter, réécouter et télécharger cette émission pendant très longtemps. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Antoine Tricot et Jeanne Guéroux, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec la prise de son Stéphane Poitevin, à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Yves Gaillard. Et dans quelques instants, voici Christine Ockrent pour Affaires étrangères.